Journal de 9h. Merci à Lévan Tétard qui m'accompagnait ce matin. Merci à vous pour votre fidélité. Bon dimanche à tous. Bon dimanche et bienvenue sur Vivacité. Il est précisément 9h. 19 ans après sa mort, elle reste l'icône de la pauvreté. Mère Teresa va devenir sainte aujourd'hui. 100 000 pèlerins vont assister à Rome à la canonisation de cette petite religieuse au sari blanc bordé de bleu qui a consacré sa vie aux pauvres de Calcutta. La fermeture de Caterpillar plane toujours sur les festivités du 350e anniversaire de la ville de Charleroi. Une fermeture dont on parle beaucoup aussi à Tubize. Il y a 20 ans, 2500 travailleurs perdaient leur emploi aux forges de Clabecq. En Formule 1, Belge dès l'année prochaine sur les circuits, son nom Stoffel Van Dorn. Dans ce journal, le portrait de ce jeune courtraisien qui sera pilote titulaire chez McLaren à la place de Jenson Button. Votre journal en compagnie de Nathalie Servet. Bonjour à tous. La place Saint-Pierre à Rome, déjà noire de monde. Dans 1h30 commence la messe de canonisation de Mère Teresa, la petite sœur des pauvres, celle qui a consacré sa vie aux plus démunis de Calcutta en Inde, va devenir sainte 19 ans après sa mort. Deux miracles lui sont attribués, deux malades subitement guéris du cancer. Aujourd'hui, 12 chefs d'État et 100 000 pèlerins vont assister à cette canonisation. Reportage à Rome de Mathilde Humberti. Sous une chaleur étouffante, les pèlerins déambulent. Dans le Borgo Pio, à deux pas de la basilique Saint-Pierre, un groupe de jeunes gens s'assoit sagement à l'ombre. T-shirt à l'effigie de Mère Teresa, visage fatigué, ils viennent de très loin. Nous venons du Pacifique. On a voyagé plus d'une journée pour arriver ici. Nous sommes venus exprès des îles Tonga pour cette canonisation. Nous avons tous été très touchés par Mère Teresa, son expérience parmi les plus pauvres. Elle s'occupait de ceux qui n'avaient rien. C'était un cœur en or. Mère Teresa, icône de la charité, icône controversée aussi, de par ses positions anti-contraception, anti-avortement. À Rome, une exposition retrace intégralement le parcours de la religieuse, ses doutes aussi sur l'existence de Dieu. Mathilde vient de la visiter, cette jeune femme qui, dans quelques jours, entrera au Carmel. En réalité, sainte, elle l'est déjà. L'Église n'a fait que déclarer une situation qui a été jugée telle. Une sainte passionnée, malgré cette nuit de la foi, est-ce que c'est ce qui la rend encore plus admirable à mes yeux. 100 000 fidèles au bas mot sont attendus place Saint-Pierre ce matin pour entendre le pape François prononcer la formule de canonisation. Un reportage de Mathilde Humberti de Radio France. C'est sur un air bien connu, pays de Charleroi, que les festivités vont se poursuivre ce midi à Charleroi. Les Carolos célèbrent les 350 ans de leur ville. Des festivités marquées par l'annonce de la fermeture de Caterpillar à Gosselies. Demain, plusieurs assemblées du personnel sont prévues. La procédure Renault de licenciement collectif sera également lancée. Ce nouveau drame social en rappelle un autre. Il y a 20 ans, c'était la fin des forges de Clabecq. 2500 travailleurs perdaient leur emploi. On se souvient des vieux violent incident qui avait opposé les sidérurgistes emmenés par Roberto D'Orazio face aux représentants des banques. Aujourd'hui, 20 ans après, que reste-t-il des forges? Comment la région de Tubize s'est-elle reconvertie? On voit cela avec Thierry Van Gulik. Michel Janut, aujourd'hui bourgmestre de Tubize, n'oubliera jamais l'image de cette pelleteuse dressée face à l'hôtel de ville et ses sidérurgistes en colère prêts à l'éventrer. La fermeture des forges de Clabecq a profondément traumatiser la région. Toutes les familles étaient concernées, ça a vraiment été un choc social énorme et un choc majeur pour toutes les familles tubiziennes. Tout le monde avait quelqu'un qui, ou une connaissance ou quelqu'un de la famille qui travaillait aux forges de Clabecq. Choc passé, toutes les forces vives de la région se sont rassemblées autour d'un projet de reconversion qui n'est toujours pas achevé. Le site des forges de Clabecq, le master plan a été présenté et nous présentons actuellement tout son développement. Il vient d'être connu comme faisant partie des 10 quartiers nouveaux prioritaires de Wallonie. Donc voilà, on avance dans la reconversion du site. Le site est occupé à être dépollué. Plusieurs zonings ont été créés et aussitôt remplis grâce à la proximité de Bruxelles. Une zone portuaire est née et la ville s'est tournée vers les services et le numérique. Un long travail qui commence à payer. 20 ans après, on commence tout doucement à sortir du tunnel. Mais les 2500 anciens travailleurs de Clabecq sont encore pour la plupart sur le carreau et eux non plus n'ont rien oublié. Et à 11h45, une émission spéciale sera consacrée à la fermeture de Caterpillar à Gosselies sur la Une Télé. Caterpillar Le Choc sera présenté par Sacha Daout avec Cédric Loriot. La parole sera donnée aux ouvriers. Les politiques réagiront ensuite, notamment par la voix d'Éliane Tillieux, Pierre-Yves Géolet ou Raoul Edebeau. L'étudiante belge d'origine turque Bilen Seran, de retour en Belgique cet après-midi. La jeune femme avait été interpellée puis incarcérée le 26 août dernier avec deux amis alors qu'elle se trouve en vacances en Turquie. Bilen Seran est vice-présidente de Young Struggle, une organisation qui réunit de jeunes socialistes. D'après certains médias turcs, on la soupçonne d'être membre des jeunes communistes de Turquie, une association qui a des liens avec le MLKP, le parti communiste marxiste-léniniste considéré par le régime d'Ankara comme une organisation terroriste. Consommer des produits bio, belges et de saison, c'est ce que défendent les producteurs présents au salon Valériane, le plus grand salon bio de Wallonie qui se tient ce week-end à Namur. Mais le consommateur, lui, est-il prêt à ne manger que les fruits et les légumes de saison de chez nous? Écoutez tout d'abord la réponse de Joël Lambert de la coopérative Bio 2SB. C'est au consommateur à être sensibilisé et dire, voilà, moi je veux manger du local et de saison. Donc si par exemple, dans des magasins bio, on vend des produits, je vais dire, qui sont issus de Nouvelle-Zélande, d'Amérique du Sud, etc. Donc si le consommateur entre dans un magasin et qu'il voit des pommes, je vais dire, de Nouvelle-Zélande, il n'est pas obligé de les acheter. Il peut attendre la vraie saison. Et la saison, c'est quoi ici en Belgique? Ça démarre, je vais dire, au mois d'août avec la pomme, mais il achète des pommes à ce moment-là. C'est facile de manger de saison ou parfois c'est compliqué? Non, enfin moi j'ai pas de difficulté. On a aussi un potager, donc nous on mange beaucoup aussi nos légumes du jardin. Je pense qu'il suffit de s'adapter et puis de découvrir des nouvelles recettes. C'est peut-être un peu compliqué quand on mange beaucoup de fruits. Et donc vous vous êtes privé de pommes? Je ne vais pas mentir, je ne me suis pas tout à fait privé de pommes. Je viens d'en manger une petite la semaine passée. Je ne sais pas d'où elle venait, c'est vrai, en plus, oui. En fait, j'essaye au maximum quand même de faire attention. Une interview de Monica Wachter. Valériane, c'est encore jusqu'à ce soir, 19h, à Namur Expo. Aux États-Unis, la tempête Hermine a fait une deuxième victime en Caroline du Nord. Un semi-remorque a basculé d'un pont. Il est entraîné par la force du vent près de 110 km/h. Le conducteur est décédé. La tempête pourrait s'intensifier aujourd'hui et devenir aussi forte qu'un ouragan. Cette petite secousse aussi dans les Alpes-Maritimes en France. Vers 21h15 hier soir, la terre a légèrement tremblé, 3,7 sur les échelle de Richter. L'épicentre se trouvait pas très loin de la frontière italienne et le séisme a été ressenti jusqu'à Nice. Il n'y a aucun dégât. L'Union européenne arrive au bout de ses capacités pour accueillir des réfugiés. C'est ce qu'a déclaré Donald Tusk, le président du Conseil européen. Il appelle les autres puissances du G20 à assumer leur part de responsabilité, comme la Chine, par exemple. C'est d'ailleurs là-bas que le sommet du G20 se déroule en ce moment. Il réunit les dirigeants des 20 pays les plus riches de la planète. C'est l'information sportive du week-end en Formule 1. Stoffel Vandoorne sera pilote titulaire chez McLaren l'année prochaine. Le Belge pilote de test et de réserve cette saison dans cette même écurie épaulera Fernando Alonso, deux fois champion du monde. Le Britannique Jenson Button va quant à lui se concentrer sur le développement de l'équipe et de la voiture. Tout profit pour Stoffel. Christophe Durand nous dresse son portrait. Devenu professionnel en 2010, Stoffel Vandoorne va réaliser son rêve de devenir pilote titulaire en F1. Grand talent depuis ses débuts, le Courtraisien de 24 ans est récompensé de tous ses efforts. Le Belge a vraiment tout fait pour avoir ce volant qu'il méritait tant. J'ai gagné presque tous les championnats avant la F1 et voilà, il n'y avait pas vraiment grand chose de plus que je pouvais faire. Donc j'ai toujours resté très calme jusque maintenant et toujours travaillé bien avec l'équipe, de vraiment montrer que j'avais envie d'avoir ce baquet. Et voilà, aujourd'hui, c'est fait. Vandoorne a disputé le premier Grand Prix de sa carrière à Bahreïn le 3 avril dernier. Il y avait suppléé Fernando Alonso, déclaré inapte médicalement après un accident. Pour sa première sortie officielle en F1, Stoffel avait terminé 10e, marquant par la même occasion son premier point dans la compétition. Des débuts prometteurs qui demanderont confirmation la saison prochaine. Rendez-vous est déjà pris en 2017 pour le premier Grand Prix de la saison à Melbourne, en Australie. Et aujourd'hui, c'est la Mercedes de Lewis Hamilton qui s'élancera en pole position du circuit de Monza en Italie. Départ du Grand Prix à 14h à suivre en télé sur la Une et sur le site sport de la RTBF. Atmosphère Renaissance à Lessines ce week-end. La ville célèbre son traditionnel festin. Des animations, des spectacles, des banquets qui nous plongent en plein 16e siècle. Isabelle Palmitessa s'est promenée dans les allées de la Franche Foire, un marché d'artisans. Des fioles de parfum, du cuir, des épices, des boissons en vertus mystérieuses, la franche foire du festin de Lessines n'a rien du banal marché d'artisans. Cyril de Bannegon, par exemple, y façonne en direct le fer et l'étain. On pourrait le faire chez nous comme ça, pour notre passion, un peu comme les gens qui font des petits bateaux dans les bouteilles. Mais il y a un contact avec le public et une transmission du savoir qui est quand même assez sympathique et qui permet justement de nous pousser à aller un petit peu plus loin. Une belle dame se promène dans la rue, elle porte une magnifique robe en lourd velours rouge et le collier de la reine, car Nadine est la reine du tir à l'arc. On a recréé un groupe d'archers et voilà, donc ici on a fait le tir du roi et c'est moi qui suis reine, donc j'ai battu tous les hommes quoi. Avec 800 autres figurants, cette Lessinoise participera ce dimanche après-midi au cortège et à la procession. La ville se souvient ainsi de ce qui s'est passé il y a 438 ans. Fred Van Leu de la SBL des fêtes historiques du festin nous le raconte. Donc la ville en 1578 a été assiégée. Les Lessinois ne voulant pas se laisser faire, ont demandé à leur jeune lieutenant, Sébastien Tramazur, de défendre la ville. Et donc il est allé prendre les ennemis à revers, il les a mis en fuite en fait, voilà. Et à l'issue de la bataille, Sébastien est allé déposer son épée au pied de la Vierge pour la remercier. Et en fait, c'est ça qu'on commémore chaque année à la même époque. Un voyage dans le temps qui animera jusqu'à ce soir le cœur historique de Lessines. Et on voit tout de suite comment ça roule sur les routes avec Jean-Marc Strel. Un accident sur le 42 Namur-Monceau, Jean-Marc. Effectivement, au kilomètre 51, c'est à hauteur de Émines. La bande de gauche est neutralisée. Prudence donc en direction de Mons. Prudence tout court car il a plu cette nuit. Ça peut glisser sur les routes. Attention. Autre accident dans l'échangeur de Zweynard. Une bande de circulation neutralisée dans la bretelle qui relie le 40 si vous venez d'Ostende et que vous prenez le 17 en direction d'Anvers. Attention à ces deux radars. Le premier positionné sur la N5 Couvain-Charleroi entre Frères et Tarsienne en direction de Charleroi et l'autre sur le 42 Liège-Mons entre Dossoux et Spy en direction de Mons. E411, National 4, A54. Vous avez le choix, comme chez Cora. Ou chez Cora. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. 9h11, excellent un dimanche à tous. Tout de suite les enfants de cœur avec Jean-Jacques Brunin. Merci, c'était Nathalie Servet. Les enfants de cœur, c'est tout de suite depuis la charmante commune de Hête. Les enfants de cœur sur Vivacité. Bonjour chers amis, voici les enfants de cœur, que vous soyez ici ou ailleurs. Nous sommes aujourd'hui en Gaume, au Petit Théâtre, et je voudrais que vous remerciez par vos applaudissements Pierre Schiltz, qui a eu la riche idée d'inviter les enfants de cœur ce dimanche matin. Est-ce que vous avez passé de bonnes vacances, cher public ? Ensoleillé, en tous les cas, ça fait du bien. Aujourd'hui, attention à notre façon de parler, pas de faute de français, pas d'approximation de vocabulaire, parce que nous recevons un pensionnaire de la comédie française, la Maison de Molière. Mais avant qu'il nous rejoigne, je vais d'abord faire place aux quatre chroniqueurs de l'équipe que je vous présente en m'inspirant du théâtre classique. Il est un peu notre Scapin, celui des fourberies, impécunieux et pourtant fou d'amour pour tout ce qui brille, et brillant il l'est aussi. Mesdames, messieurs, je vous demande d'accueillir James Dino. Cette cravate, elle est pour vous. L'arpagon de l'équipe, le plus obstiné de la bande et paradin quand il s'agit de bons mots, il s'appelle Christophe Bourdon. Bonjour. Ouf, j'ai compris tout ce que vous avez dit. Notre monsieur Jourdain, qui fait de la prose sans le savoir dans Le Bourgeois Gentilhomme, eh bien notre homme à nous, il fait de l'humour à son corps défendant, Cody. Bonjour à tous, bonjour. Et enfin, l'Alceste du misanthrope, dans Les Enfants de cœur, celui qui est l'humanité tout entière, sauf son canon de voisine, Fernande Dominique Watrin. Bonjour à tous.

Eliot Chantonnet, oui, c'est Croasset, oui. Zigouillet, enfin oui. Voilà, mais j'étais pas muet. Mais c'est vrai que je n'étais pas un acteur de texte. D'accord, mais faut me niquer un peu ma... C'est mon mais c'est rôle. Pas grave, mais c'est pas grave, c'est chacun son tour, c'est normal. Y a pas... Non, parce que j'ai dit, vous êtes passé du mime à la comédie française. Ouais. Est-ce que vous pensez que les politiques français devraient faire le trajet inverse? C'est-à-dire arrêter de faire la comédie et faire leur gueule un petit peu? Non, parce qu'ils n'auraient aucun succès. Ils n'auraient aucun succès. Ils ne sont pas très bons. Hein, bah, ils n'en ont déjà pas maintenant. Enfin, en Belgique, c'est pas pareil. Hein, excusez-moi, non. Là, j'ai fait un froid, là. Une dernière question, Jean-Jacques Jeppe, une toute dernière? Oui, allez, oui, vas-y. Ouais, c'est pas une question rigolote. Si vous aviez une imprimante 3D, qu'est-ce que vous imprimeriez maintenant directement en premier lieu? Ma femme. Oh, c'est oh, oh oui. Mais quelle réponse superbe! Comment partir mieux que ça? Ah oui, oui, oui. Et sincère en plus. Merci, questionnaire Zarbi. On peut applaudir Jem Dino. Merci, Dieu. Alors, dans le courant de l'émission, mon cher Elliot, nous avons quelques questions mystères. Nous aurons des questions sonores, mais aussi des questions posées par l'un ou l'autre chroniqueur. Et c'est au tour de Christophe Bourdon. Alors, si vous avez la réponse, vous ne soufflez pas tout de suite. Hein, ben, vous le savez, cet été, on a eu droit à l'Euro 2016, hein, Jean-Jacques. Alors, il y a un spectateur gallois qui est venu spécialement assister à un match de l'Euro qui opposait le Pays de Galles à la Slovaquie. Il se souviendra longtemps de cette rencontre. Pourquoi? Il est monté sur le terrain? Non. Il s'est retrouvé dans la mauvaise tribune? Non. Les caméras l'a pris en gros plan? Non. Il s'est pas endormi? C'est pas l'homme qui s'est endormi, ça? Exactement. Il était tellement ivre qu'il s'est endormi une demi-heure avant le match. Il n'a rien vu du match. Il a dormi pendant toute la partie. À son hôtel, hein? Non, il était dans les gradins. Il faut savoir que le Pays de Galles n'avait plus joué depuis 1958 dans une compétition internationale. Le mec n'a rien vu du match. Et ils ont même battu la Belgique. Exactement. Mm-hmm. Ouais. Merci beaucoup, Christophe Bourdon. Petite pause dans Les Enfants de cœur. Nous revenons immédiatement après avec une autre question basée sur l'actualité et la chronique de Dominique Watrin. Le dimanche matin sur Vivacité, Les Enfants de cœur sont sacrément drôles. En télé sur la une. Je m'appelais Emma Fortuny. J'avais 20 ans lorsque toute ma famille a été tuée. Moi-même, je suis officiellement morte. Mais je suis revenue 10 ans après pour me battre. Elle se met au service de ceux qu'elle traque. Votre nouvelle série, La Vengeance aux yeux clairs, ce dimanche soir sur la une. 9h, 10h30. Et puis nous serons à Aide, au Petit Théâtre entre nous, avec notamment Eliot Génico de la Comédie Française. Wow. Et oui. Non, mais je sais bien que tu n'aimes pas que je t'interrompe, mais si tu sens quelqu'un de la Comédie Française, ne dis pas Aide, dis être. Dis-le bien. Les Enfants de cœur. C'était Jean-Luc Fong, évidemment. Oui, je l'ai reconnu. Mais oui, bien sûr. La page Facebook des Enfants de cœur vous attend. Est-ce que vous êtes nombreux à nous suivre et à nous liker? C'est bien, on est 33 000 pour l'instant et le nombre de fans n'a fait que grossir pendant les vacances, donc n'hésitez pas à nous rejoindre encore. Et puis la page des Enfants de cœur avec tous les enregistrements, vous tapez dans Google Les Enfants de cœur, prochains enregistrements, et vous pourrez réserver vos places pour la suite de cette magnifique saison. Alors que pour trouver l'adresse ici sur internet, tu tapettes. Oui, merci Christophe. Mesdames, messieurs, vous le connaissez et eux deux se connaissent d'ailleurs fort bien, Dominique et Elliot. Voici Dominique Watrin. Vous allez la fermer, ouais. Les Enfants de cœur. On aimerait bien dormir. Dans la vie, il y a des moments de honte et des moments de gloire. Moi, ma spécialité, c'est plutôt les premiers. À l'heure où des corps d'élèves innocents rentrent à l'école sans aucune réaction d'Amnesty International, je voudrais évoquer l'une des plus grandes sources d'humiliation des jeunes de ma génération, les pantoufles de gym. De mon temps, à l'époque où l'éducation physique à l'école s'appelait la gymnastique et où le professeur de gymnastique entretenait sa condition physique en buvant du Pellel et en fumant des Johnson sans filtre pendant les cours, une seule tenue de gym était tolérée. Elle comprenait d'abord le maillot de corps blanc partout et jaune en dessous des bras. Ensuite, le short bleu échancré sur les côtés, tellement moulant que le dilemme dans le vestiaire, c'était de savoir si tu mettais ta zigounette à gauche ou à droite parce qu'au milieu, il n'y avait pas de place. Et enfin, élégance suprême, il y avait les pantoufles de gym.

Après mûre réflexion, le groupe tente alors la traversée des quelques dizaines de mètres qui le séparent de la rive, mais la plupart s'enlisent. La marée montant dangereusement, un hélicoptère de secours doit intervenir. 4 personnes sont emmenées à l'hôpital en état de choc. Quoi qu'il en soit, les Liégeois ont tous repris le chemin du retour et cette mésaventure restera pour beaucoup un fameux souvenir. Voilà, énorme. Élitreuillé par hélicoptère. C'est dans quel film avec Depardieu comme ça et, c'est dans la chaîne. Et Pierre Richard. Et Pierre Richard. Il s'enfonce comme ça. Et il dit mais qu'est-ce que vous avez à vous enfoncer? Je ne sais pas. Je m'enfonce. Mais pignon, il n'y a pas de sable mouvant. Mais écoutez, je m'enfonce. Il faudrait les signaler alors. Énorme. Excellente chute. Excellente réplique. Merci mon cher Cody. La petite pause et puis nous aurons votre journal des bonnes nouvelles. À tout de suite. Enfants de cœur, le rendez-vous des décoincés du culte. Tous les dimanches, de 9h à 10h30, sur Vivacité. En télé sur la Une, nos Diables Rouges entament leur nouvelle phase qualificative pour le Mondial 2018 en Russie. Chypre-Belgique, vivez le match en direct ce mardi sur la Une, Vivacité et sur rtbf.be/ovio. Ce dimanche, Christophe Maé est en concert sur Vivacité. Je veux de l'or! Dès 18h, Bruno Tumers vous propose une spéciale Vivacité en concert avec Christophe Maé. L'occasion d'évoquer les chansons de son nouvel album, La Trappe Rêve, les artistes qui l'ont marqué sur scène et ses prochains concerts chez nous cet hiver et au printemps 2017. Alors, hey, salut, c'est Christophe Maé dans Vivacité en concert. Dimanche, dès 18h. Il est là. Info et bonne humeur. La bande du 8-9 revient lundi, de 8 à 9, pour bien démarrer la journée, sur Vivacité et sur la Une. On n'est pas des pigeons, vous non plus? Alors rendez-vous lundi, dès 11h, sur Vivacité. Chérie, t'as pas vu mon vieux jeans? Bah si, je l'ai amené chez Poincaré, ils vont le donner au petit rien. Et moi, j'ai eu 15 euros de réduction sur mon nouveau jeans. Rapportez votre vieux jeans chez Poincaré et recevez 15 euros de réduction à l'achat d'un neuf parmi les marques Tom Taylor, Esprit, Only, Street One, Jack & Jones, G-Star, PP ou encore Essoliver. Info sur poincaré.eu. Et si l'épargne était réinvestie à 100% dans l'économie wallonne? C'est le cas. CBC Banque Assurance. Décidez d'avancer. Bienvenue dans ce cours de langue porcine pour les fermiers. D'après une étude, il apparaît que les éleveurs ne comprennent pas le langage des porcelets. C'est pourquoi nous leur apprenons aujourd'hui 3 expressions. La première veut dire « je me sens bien ». La suivante veut dire « j'adore ». Et enfin, la plus difficile veut dire « arrêtez de me castrer, c'est insupportable ». Malheureusement, beaucoup trop d'éleveurs ne le comprennent toujours pas. Aidez-nous à faire interdire légalement la douloureuse castration des porcelets. Rejoignez-nous sur gaia.be. Le mercato de football est terminé. Ce lundi 5 septembre, la Meuse, la Nouvelle Gazette, la Province, Nord-Éclair et la Capitale vous offrent en exclusivité le guide officiel de la Pro League. Un supplément de 48 pages pour tout savoir sur la saison de la Division 1. Noyau complet, calendrier des rencontres, dernier transfert, c'est ce lundi 5 septembre et c'est gratuit avec votre journal. Sud Presse, numéro 1 du sport. C'est une fille de la Louvière qui vient porter plainte à la police. Alors les filles disent assieds-toi, ouais, je m'assois. La fille s'assoit, elle. Prénom ? Jessica. Non ! Bah si, Jessica. Les enfants de cœur. Vous l'avez reconnu, Elliot, celui qui raconte la blague ? C'était Poulvord. Ouais, c'est Poulvord. Ouais. Complètement déjanté. Ouais, il y a 2 ans à Wépion. Complètement fou, quoi, Wayne. Ah ouais, oui. Les murs s'en souviennent encore là-bas. Hein. Et on y retourne le 13 septembre, on sera à Wépion d'ailleurs. Et le bar s'en souvient aussi. Le bar aussi s'en souvient, exactement. Ouais, ouais. Et la tarte à la crème. Vous savez que vous pouvez réécouter l'émission quand vous le souhaitez grâce au podcast que vous trouvez sur le site de Vivacité. Et puis, bien sûr, les vidéos sur la plateforme rtbf.be/ovio. Il paraît que quand vous êtes arrivé à la Comédie Française, Elliot, enfin avant d'arriver, vous avez reçu un coup de téléphone de l'administratrice générale, oui. Muriel Mayette, c'est ça ? C'est ça, ouais, à l'époque, oui. Qui vous a dit, on aimerait bien que tu viennes, t'as 24 heures pour donner ta réponse. Tout à fait. C'est dingue, ça. Tout à fait dingue. En fait, elle m'avait vu en spectacle 3 mois avant. Et là, au bout de 2-3 mois, je reçois un coup de téléphone de Gérard Rolls, qui à l'époque donc, commençait à la draguer, et je ne savais pas qu'ils étaient ensemble. Le journaliste. Oui, le journaliste, qui est son époux d'ailleurs maintenant. D'accord, ouais. Et puis l'époux de Gérard. L'époux de Gérard. L'épouse de Gérard. L'épouse de Gérard. Qu'est-ce que j'ai dit? Elliot, c'était juste. Gérard, c'est juste. C'était non, juste. C'était juste. Je veux dire que Gérard Hord avait des poux et il a épousé. D'accord. Bon, je continue la réponse. Oui. Donc j'essaie de simplifier. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, trois mois plus tard, elle me contacte à la Comédie Française en me disant voilà, je vous ai vu en spectacle, je vous ai trouvé sublime, merveilleux, vous êtes incroyable. Femme de goût, hein. Et femme de goût, évidemment. Et, bah non, Gérard. Voilà, moi j'ai dit ok, qu'est-ce qui Je connerie, il n'écoute pas. Non, vous dites femme de goût, je dis non, avec Gérard Rolls. C'est un bel homme, hein. Oui, c'est un bel homme. Bien sûr. On n'a pas les mêmes goûts, apparemment. Voilà. En matière d'homme, non. Est-ce qu'il peut finir? Je continue la réponse. Vous avez 24 heures pour finir. Le mec qui se tape Paris, être pour se faire chier par des mecs pareils. Moi, à ta place, je me barre, je retourne à Paris. Non, non, mais moi, je suis un mec sympathique, j'ai toujours été très gentil. Et puis, donc, effectivement, elle me dit, voilà, j'ai envie de vous engager, etc. Vous avez 48 heures pour donner votre réponse. Et voilà, mais j'ai eu 48 heures, donc j'ai donné ma réponse. 48 heures plus tard, j'ai dit oui, et c'était un grand chamboulement dans ma vie, parce que j'ai dû vendre maison, machin, déménager, quitter ma Wallonie, Amsureur, prendre ma femme, ma fille, les emmener. En 3D ou pas en 3D? En 3D. Je ne la vois qu'en 3D, Dominique. Est-ce que vous savez pourquoi elle vous a laissé si peu de temps? Parce qu'en fait, là, c'est une maison un peu dingue, ça, tout va vite. C'est-à-dire d'accord. qu'à partir du moment où il y a un acteur qui s'en va ou qui est remercié, parce qu'on ne dit pas virer là-bas, mais on dit remercier, c'est plus joli. Et ben voilà, ils ont une place disponible, ils doivent trouver tout de suite quelqu'un parce qu'il y a des rôles à remplacer, parce qu'il y a une distribution à assumer. Donc, paf, elle a une idée. C'était moi, l'idée, et je suis l'idée depuis 5 ans, et c'est quand même. Les premières pièces, c'était quoi alors? La noce de Brecht. Mm-hmm. Avec autour de vous Denis Podalydès, Laurent Stocker, Guillaume Gallienne, Laurent Lafitte, Dominique Blanc, ben rien que du beau monde. Hein. Et du beau monde. Alors, mais non, pas Michel alors Blanc. Ça, c'est ceux qu'on connaît, mais il y a tous ceux qu'on ne connaît pas. Hein, oui. Parce qu'on est quand même en fait, 60 acteurs, et il y a Elliot Junico. Mais ceux qu'on connaît, c'est les têtes de cinéma. Hein. Mais ça veut dire que c'est des gens qui, la Comédie Française est une porte ouverte aussi au cinéma, mais aussi ces gens-là, enfin ces acteurs-là, il y avait déjà une porte ouverte bien avant d'y être. Par exemple, Laurent Lafitte, qui est rentré 6 mois après moi, par exemple, mais tournait déjà, etc. Et évidemment, la vie continue. Est-ce que, à propos de Laurent Lafitte, ça c'est une demande personnelle, est-ce que vous pourriez l'aider à mieux choisir ses films? Est-ce que cette émission est diffusée à Paris? Non. Il a fait des chouettes films. Il a fait quelques chouettes films. Il a fait des solides daubes aussi. Est-ce que vous a proposé des rôles au cinéma? Pour l'instant, écoute, j'ai tourné dans une série déjà, c'est pas mal. Oui. Et puis là, je viens de tourner dans le dernier film de Luc Besson. Ah. Wow. Mais rassurez-vous, on ne me voit que 30 secondes. Mais quand même, j'ai 6 répliques en anglais et avec Clive Owen. It's not so bad, man. Ça vous fait un point commun, pardon? Apparemment, ça vous fait un point commun avec James Dino, avec moi, qui a tourné pour Besson aussi. C'est dans Valérian. Non, dans un autre film. Non, j'ai tourné dans un film qui s'appelait Banlieue 13 Ultimatum. Je jouais un chef nazi. Et j'ai fait ça à merveille, à ce qui paraît. Tu as fait fureur. En fait, je distribuais absolument. Et je distribuais les coups de boule et je n'avais pas un mot, j'avais un mot à dire dans tout le film. C'est la seule scène que Luc Besson a tournée lui-même et je devais dire strike, mettre un coup de boule à quelqu'un et dire strike et j'ai dû le recommencer 7 fois. Donc il ne m'a pas rappelé. Donc je suis aux enfants de cœur à être. Mais écoute, et je suis bien, on est bien ici. On salue l'acteur. Et je suis toujours nazi, je vous rassure. On salue l'acteur qui a ramassé 7 fois le coup de boule dans sa tronche. Allez, mesdames et messieurs, place à Cody. La parole à Cody, le journal des bonnes nouvelles. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans ce JT Gentil, le journal des bonnes nouvelles. Et on démarre avec le Burkini, une fois de plus, qui fait parler de lui, évidemment. Le Burkini qui fête son indépendance. C'est donc l'effervescence totale dans la capitale, Ouagadougou. Science, à présent. Même le jingle est consterné. Essaye de ne pas me niquer mon journal. Science, à présent, une étude prouve que les personnes ayant le QI le plus élevé sont en général les plus paresseux. Je n'ai bien sûr pas pris la peine de lire l'étude en entier. Fait divers, le petit Kevin est bien rentré du catéchisme à son domicile, sans problème. Économie, le Belge serait économe, ce qui lui permettrait d'avoir une pension confortable. J'ai donc décidé de faire mes calculs. Si je prends ma retraite à 62 ans, je pourrais vivre confortablement pendant 11 minutes. Et puis ce sondage qui nous est parvenu, 85% des femmes préféreraient la pilule au préservatif sous prétexte que le préservatif reste plus difficile à avaler. Attention, je rappelle tout de même qu'il est plus que jamais important de continuer à se protéger, surtout lorsqu'on connaît les ravages que peuvent occasionner une pension alimentaire. Et puis cet officiel, Thierry Henry, est le nouveau T3 des Diables Rouges. Il passe donc d'un salaire de 6 millions d'euros par mois à 6 000 euros par mois. Il va donc aller au CPAS demander un petit peu d'aide. C'est la fin de ce JT, on termine avec le dicton du jour. Mieux vaut être belle et rebelle que moche et remoche. Merci. C'est la fin. Merci. Cody, le journal des bonnes nouvelles, on revient très très vite ici au Petit Théâtre de Hête avec notre infomane, nouveauté Bruno Coppens et les blagues de merde du public. Retrouvez les enfants de cœur en podcast et vidéocast sur vivacité.be et sur la page Facebook de l'émission. Ton pays est détruit, tu fuis. Chaque nuit, les images de la guerre te reviennent. C'est un cauchemar. Plus de 400 000 enfants syriens ont trouvé refuge au Liban. Grâce à la traumathérapie, une nouvelle vie peut commencer dès la rentrée. Avec vous et Caritas, ils dessinent leur avenir. Faites un don sur caritasinternational.be. C'est la rentrée et votre Westland Shopping va vous aider. Ce mercredi 7 septembre, de 14h à 18h, déposez-nous vos cahiers et nous les recouvrons dans l'heure. Participez aussi à nos ateliers coiffure chrono, lunch rapide et équilibré, comment choisir son stylo ou entretenir ses lunettes. Une rentrée zéro stress, c'est au Westland Shopping. Rendez-vous ce mercredi 7 septembre, de 14h à 18h et n'oubliez pas leurs cahiers. Westland Shopping, mon shopping, si proche. Ring West, sortie 14, parking facile. Vivacité. 1, 2, 3. Qui en fait ? Les enfants de cœur de Vivacité. Qui est catastrophe ? De 9h à 10h30. Qui est bien street ? Le nouveau culte du dimanche. Les enfants de cœur depuis le Petit Théâtre ici à Hête en compagnie d'Eliott Génico. Le Petit Théâtre qui propose d'ailleurs sa saison culturelle 2016-2017. Il y a une série de spectacles, dont un point d'orgue le 17 décembre. La pièce des frères Taloche, Les Caves, qui sera jouée à la Maison de la Culture d'Arlon. Toutes les informations sur le www.petitthéâtre.be. Mesdames, messieurs, c'est l'heure de la nouveauté dans Les Enfants de Cœur. Les Enfants de Cœur. Alors nous devrions avoir maintenant des nouvelles d'un infomane. Oui, notre infomane, c'est Bruno Coppens. Bruno, dites-nous où vous êtes. Bonjour Jean-Jacques, bonjour l'équipe, bonjour à tous. Êtes-vous là ? Je n'entends rien, hein, car ici, il y a une circulation de dingue, vous l'entendez, sur la N82, la route entre Arlon et Virton, au niveau de Hête. Ils viennent de partout pour les enfants de cœur, j'arriverai jamais à temps, je suis désolé. Mais vous pouvez quand même nous parler de cette commune, Bruno. Oui, alors Hête, c'est un suffixe hein, qui signifie petit, comme dans Maisonnette, petite maison, Marie-Antoinette, petite tête coupée, ou les Claudettes, petites ampoules au-dessus du bain. On trouve trace de l'existence de la commune déjà en 996, après que Jésus-Christ dans sa crèche. C'est un parchemin écrit par l'empereur Othon III du Saint-Empire, Othon III qui, rappelons-le, installa le pape Grégoire à Rome, pape chez qui il se confessa souvent car il était grand pêcheur, d'où la fameuse pêche Othon. La Révolution française fut une catastrophe pour la commune, mort, décapitation, ce fut l'ETT meurtrier ici à Hête, tout brûlé, église, école, maison, ça allait tellement mal que quand on demandait aux gens « Vous habitez où ?»« À l'Hête ! À l'Hête ! À l'Hête !» Après, c'est pas mieux, hein, sous Napoléon, ça empire, normal, tout petit qu'il était, et sous lui, il ne se passait pas grand-chose à part un grouillement d'hémorroïdes. Donc, la commune décline, c'est la misère et en 40, les Allemands détruisent tout. Il ne reste rien à part une agence immobilière pour tout reconstruire qui s'appelle Hête Immo Logis. Étymologie pour retrouver les racines de la commune dette. Commune dette, mais envers qui cette dette? La commune a payé sa dette à l'histoire. Bruno, vous savez que Aide accueille aujourd'hui notre invité Elliot Génicot. Et c'est très bien Jean-Jacques, puisque Elliot vient de Charleroi, commune aussi très sinistrée, malgré son passé glorieux et ses chefs-d'œuvre en terril. Je connais pas mal l'invité, mais même si je ne suis pas génicologue, je peux vous dire que son nom sonne très wallon, puisque Génicot signifie « je n'ai pas chaud, je n'ai Nico ». Et c'est pour ça qu'il a changé son prénom de naissance Eric en Elliot, Elliot le dragon, donc cracheur de feu. Son prénom souffle le chaud et son nom le froid. Il est deux en un, wash and go, le ying et le yang, le go et le mio. Il a en lui les forces contraires, bref, il est autosuffisant. Et voilà pourquoi Génicot réussit à Paris, qui est la ville de l'autosuffisance par excellence. Alors si le gynéco est celui qui accouche les femmes, le Génicot est ce comédien qui accouche de rire. D'ailleurs, comment appelle-t-on les femmes qui accouchent des parturientes? Il n'y a pas de hasard. Allez, je reprends le volant et tente d'arriver au plus tôt. Sympa. Un infoman du nom de Bruno Coppens. Les prochains enregistrements des Enfants de Cœur, nous serons le 13 septembre à Wépion avec Charlie Dupont et son épouse Tania Garbarski. Ah, mon ami Charlie. À propos de la pièce de Philippe Blasband qu'il joue à deux tuyauteries. Ah, il vient très, sa femme, très belle pièce. Il vient avec sa femme, il a cette chance, oui. Mais vous aussi, au fait, elle oui, est là. Oui, elle est dans le public. Ah oui, d'accord, mais au moins elle vous voit mieux comme oui, ça. Oui, mais elle aurait pu passer à côté. Et avec Charlie Dupont et Tania, il y aura les frères Taloche pour le Vous Rire du 20 au 23 octobre à Liège, les réservations pour Wépion. ASBL Saint-Antoine@gmail.com et le téléphone le 0476 25 0086. Dépêchez-vous parce que c'est quand même chez moi Wépion. Oui. Donc il faut que ce soit plein au bienvenu parce que la salle a été bien remplie avec Benoît Poulvord et Philippe Geluck il y a deux ans, donc on veut faire aussi bien. Et puis 15 jours plus tard, nous serons le 27 à Momigny au Cursal avec l'auteur de bande dessinée Dany et les jumeaux, le duo d'humoristes les jumeaux Christopher oui. Et Steven, exactement. Les réservations cdj.momigny@gmail.com et le téléphone le 0476 476 909. Toutes ces informations et les coordonnées de réservation se trouvent sur la page des Enfants de Cœur sur le site de Vivacité. Mesdames, Messieurs, les blagues de merde. Avec le Benjamin, sans doute dans la salle, Mathéo qui nous rejoint. Viens nous dire bonjour Mathéo, où es-tu? Viens près d'Eliott. Viens près d'Eliott. Ah oui, viens mon garçon. Wow. Je pense qu'il doit avoir des bonbons dans sa poche. Veux-tu vérifier, Mathéo? On est coiffé. Oh non, oh non, Mathéo, ne jamais vérifier les bonbons dans la poche. J'ai deux ou trois poches, Mathéo. Au milieu, c'est une sucette. On est coiffé comme moi, Mathéo. Non, ça suffit, ça suffit, n'encouragez pas. Allez, Mathéo, tu es prêt? Le papa de Mathéo est très costaud, attention. Tu n'es pas trop impressionné? Non. Si. Oh. Un petit peu quand même, hein, oui, oui. Mais le public est gentil. Pas dans mon micro, mon petit chou. Il va t'applaudir. Tu as quel âge, Mathéo? 8 ans. D'accord. Et tu rentres à l'école tu es rentré à l'école déjà. Ah non. Ah si, si, je t'assure. Si, parce que je t'assure que tu es rentré à l'école déjà. Oui. Tu n'en as aucun souvenir, mais tu l'as fait. Bon. T'as déjà oublié que t'es rentré à l'école. Et demain, t'y retournes. Hein. Allez, Mathéo, blague de merde. La blague de merde, mais qui fait quand même toujours plaisir, plaisir. C'est un caca qui va à la guerre. Il se prépare, puis après il avance, il voit un autre caca. L'autre caca dit tu vas où? Oh, moi je vais à la guerre. Est-ce que je peux venir avec toi? Oh oui, si tu veux. Puis après il marche, et puis après il rencontre une diarrhée. Vous allez où? On va à la guerre. Est-ce que je peux venir avec vous? Oui. Et puis après il dit pas oui parce que je vais. Il dit, ah oh bah non, nous on prend que les durs, hein. Bravo Mathéo. Eh bien, voilà ce qu'on apprend à l'école aujourd'hui. Oui, il faut retourner à l'école, Mathéo. C'est Marie, ah oui, il reçoit des cadeaux, très très beaux livres de la région, effectivement. Et le litre de bière, c'est pour lui aussi, hein. Pas cher, hein. Marie-France va nous rejoindre. Venez près de moi. Marie-France. Marie-France, Elliot a des bonbons dans sa poche. J'ai des bonbons dans ma poche. Waouh. Même quand il n'a pas de poche, il a des bonbons. Chic. Chic, dit-elle. Bah oui. Oh, chic, je ne sais pas si c'est vraiment le bon mot. Mais pourquoi pas. Bon, vous nous venez d'où, Marie-France? Tu peux les mâcher, mais enfin, ce n'est pas des chics. Détendez-vous, Marie-France. Mais ils sont fous. Vous nous venez de quelle commune? Abbé-la-Vieille. Parce qu'ils n'ont pas voulu de moi à Bellaneuve. Ce n'est pas vrai du tout, ça. Ça, ça m'étonnerait. Je vous assure. Est-ce que vous connaissez Eliot Génico? Non. Non, mais vous pouvez le dire. Merci, Marie-France. Ouais. Au revoir, Marie-France. C'était une excellente blague de merde, je vous remercie. Allez, on vous écoute. La blague de merde, mais qui fait quand même toujours plaisir. Parlez bien dans le micro. Je vous demande de vous arrêter. Pourquoi Oscar Pistorius a assassiné sa femme? Je ne sais pas. Parce qu'il n'a jamais pu prendre son pied avec elle. Marie-France. Vous avez quand même droit à une bière d'ici. C'est laquelle? La Rulle ou la Lupulus, là? La Lupulus. Elle est bonne? Ouais. J'avais goûté. On goûtera Lupulus. Ça après. Tiens, c'est une très, très bonne idée. Merci beaucoup, ma chère Marie-France. Bravo, que vous Marie. Pourrez France. Revoir sur le site rtbf.be/audio. Les enfants de cœur, tous les dimanches, de 9h à 10h30, sur Vivacité. Oh mon Dieu. Eliot, est-ce qu'on a la même heure? J'ai pas d'heure, j'ai un bracelet avec À mon avis, on devrait plus ou moins approcher des 10h du matin. D'accord. Plus ou moins. Déjà. Il faut encore forçons, je sais bien. Oui. Mais à 10h, les informations nationales sur Vivacité. D'accord. Et puis, bien sûr, nous nous retrouverons après les infos, avec que du bon. Nous aurons notamment la chronique de Christophe Bourdon. De quoi s'agira-t-il aujourd'hui? Que du bon? Je passe pas alors. Bon, bah alors, pas on va Christophe. Revenir sur le sujet polémique du moment, le burkini, évidemment. Oui. Le feuilleton, les baraquis. Et il est de retour. Non. Si, il est là. Mais non. Mais si, là. Il est là. Oh, mais qui? Vous l'avez reconnu? Jean-Michel. Ah ouais. The comeback. He's here. He's from Benazee. Calmez-vous. On voit qu'il a fait du karaté avec Eliot. Lui, c'est celui qui a raté. Moi, j'ai l'impression que d'année en année, dans l'équipe, on a de moins en moins besoin de coiffeur. Hein. Ça, c'est fait. Bon, les blagues tirées par les cheveux. Non, c'est parce que je me disais, avec la nouvelle saison, la vie va être plus gentille avec moi. Hein. Oh non. Hein. J'ai été rendre visite hier parce qu'il y en a un dans l'équipe, sa belle-mère avait oublié de respirer. Oh, ça peut arriver tant que c'est pas trop longtemps. Et alors, je vais rendre visite, j'arrive devant le funérarium, il y avait une pancarte fermée pour cause de décès. Le sort s'acharne. Bon, je vais boire une petite boisson locale et puis je reviens. À tout de suite. Hein. Ça, il n'oublie jamais. Merci, à tout à l'heure. Les informations de 10h avec Julie Buron. J'adore le soleil, j'adore comme il nous invite à profiter du jardin. Et j'adore surtout comment mes châssis Bellisol gardent bien dehors le bruit infernal de la tondeuse. Une dépression circulant en mer du Nord nous apporte un temps instable et frais ce dimanche. Ce matin, tout d'abord, les pluies arrivées cette nuit s'éloignent vers les frontières de l'Est. De nouvelles averses orageuses traversent notre pays, accompagnées de bourrasques de vent. Les rafales peuvent atteindre jusqu'à 70 km/h au littoral. Les températures situées entre 16 et 17 degrés. Cet après-midi, les averses orageuses circulent rapidement vers l'Est. Elles sont accompagnées d'un vent toujours soutenu. La bonne nouvelle est le retour d'un temps sec en cours de journée avec quelques ondées sur le nord. Le vent ne faiblit pas et le mercure ne dépasse pas 20 degrés. Et ce soir et cette nuit, une petite averse reste possible dans un ciel variable. Mais le temps restera généralement sec avec des maxima de 14 à 15 degrés. Vous avez été pris dans le grand rush de la rentrée ? Qu'importe, retrouvez vos contenus radio et télé sur votre plateforme digitale Ovio. Où, quand et comme vous le voulez. Sur tablette, smartphone ou ordi. rtbf.be/Ovio. A-U-V-I-O.

Anne Tillieu, Pierre-Yves Jollet et Raoul Edebeau. Ce sera à suivre sur la Une Télé dès 11h45. Dernier entraînement des Diables Rouges ce matin, avant le décollage pour Chypre cet après-midi. Après l'entraînement d'hier, Roberto Martinez s'est livré en exclusivité à la RTBF. Le sélectionneur national est revenu sur la mentalité des Diables Rouges, la tactique, mais aussi sur le cas Kevin De Bruyne. Malgré la défaite contre l'Espagne, Roberto Martinez refuse d'être alarmiste. Tenemos que ser muy, muy... muy realistas de el que el partido contra España no era lo que queríamos, pero también nos dio mucha información y es mi trabajo. On doit être réaliste. Le match contre l'Espagne n'a pas tourné comme on voulait, mais nous a fourni beaucoup d'informations. Et c'est mon travail de trouver la meilleure formation. Et mon travail, ce n'est pas de chercher un coupable ni la raison de ce qu'on vit en ce moment. Nous sommes un groupe en convalescence et je dois trouver le meilleur moyen et la meilleure formation pour sortir le talent de ce groupe compétitif. Mais ce n'est pas le moment de devenir fou après un match amical perdu. Le match contre Chypre est plus important. Il y aura plus de conclusions à tirer de ce match car il y a de l'enjeu. Roberto Martinez au micro de Rodrigo Benkens, une interview qui sera diffusée en intégralité ce soir dans le week-end sportif en télé. Enfin en Formule 1, Stoffel Vandoorne sera pilote titulaire chez McLaren l'année prochaine. Le Belge épaulera Fernando Alonso. Aujourd'hui, départ du Grand Prix d'Italie à 14h. C'est Lewis Hamilton, qui s'élancera en pôle sur le circuit de Monza. RTBF Mobile Info, Jean-Marc Stril, un accident s'est produit sur le 19 Mons-Valenciennes. Effectivement, au kilomètre 61.5, c'est à hauteur de Jemappe. Les voies centrales et droites sont neutralisées en direction de Valenciennes, de la France. Pour le reste, c'est assez calme sur les routes, mais prudence, il a plu cette nuit. Rue, avenue, chaussée, boulevard. Vous avez le choix, comme chez Cora. Ou chez Cora. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Les enfants de cœur sur Vivacité, c'est avec Jean-Jacques Brunin. Merci Julie Buron. Prochain journal tout à l'heure à 11h. Et sans tarder, nous retournons au petit théâtre de Hête. Un japonais amputé de 9 doigts a tenté l'ascension de l'Everest. Alors pour nous les hommes ça paraît surprenant, mais pour les femmes moins. Toutes les filles savent que c'est possible de s'envoyer en l'air avec un seul doigt. Les enfants de cœur. C'était avant. Attends. Ça c'était avant. Non, non, mais même l'auteur a l'air consterné. Oui, mais... Et pourtant c'est toi. Mais il a changé. James Dino. Le retour des enfants de cœur depuis le petit théâtre ici à Hête. Avec un invité qui nous fait vraiment un immense plaisir avant de repartir à la Comédie Française de Paris, Elliot Jenico. Merci. Et d'ailleurs, mon cher Elliot, tant pis, je vous fais un petit cadeau. C'est pour tout le monde, la famille. C'est de la part du maître chocolatier qui est encore notre partenaire pour cette 7e saison, Jean-Philippe Darcy. Regardez si c'est pas joli. Les macarons de Jean-Philippe Darcy. Je vois madame et la demoiselle, la fille d'Eliott, qui se régalent déjà. Je suis persuadé que tout à l'heure, quand vous arriverez à Paris, ce sera vidé. Justement, elle me disait dans la voiture ce matin... Oui. Quel talent. Comédie Française. Et elle disait quoi? On a oublié de racheter des chocolats. Eh ben non, les voici, vous avez très très bien fait. Justement, c'est super. Allez, une petite citation pour se mettre dans le mouvement. La bigamie, c'est d'avoir une femme de trop. La monogamie, c'est la même chose. Il a trouvé, hein? Woody Allen? Oscar Wilde. Ah, Oscar Wilde. Répondre. Vous saviez peut-être Elliot. Non. Non. La question mystère en compagnie de Dominique Watrin. Chers amis, quelle est la particularité du match de boxe qui a opposé en 1893 les dénommés Jack Burke et Andy Bowen? Donc c'est un match de boxe qui a été très particulier. Ah. Parce que très court. C'est deux nains. Non. Un noir contre un blanc. Non. Un des deux n'est pas venu. Non, ils étaient là tous les deux. Ils ont fait tous les deux KO. Tous les deux tombés dans les pommes. Non. Ils sont tombés du ring. Pardon ? Ils sont tombés du ring. Non. La boxe n'existait pas encore. c'est le match le plus long du monde. Oui, c'est exactement ça. Ah oui ? C'était le match le plus long de l'histoire de la boxe. Il a duré 110 rounds. Ouf. Parce qu'à l'époque, on n'arrêtait que quand il y avait quelqu'un qui tombait. Et ça a duré 7h19. Oh là là là. Et donc, en plus, ce qui est amusant, c'est qu'il s'est terminé le lendemain. Non. sur ce qu'ils appellent un no contest, c'est-à-dire pas de vainqueur, parce qu'à la 111e reprise, il n'y a plus personne qui est monté sur le ring, ils sont restés dans leur coin tous les deux. Donc il n'y a pas de vainqueur, c'est match 7 heures. Après 7 heures et 19 minutes. Ah, très très bonne question, bravo Dominique Watrin. Bravo. Le numéro de téléphone pour entrer en contact avec l'équipe des Enfants de Cœur, le 070 222 660 ou bien par mail lesenfantsdecoeur@rtbf.be. Mesdames, Messieurs, Christophe Bourdon. Les Enfants de Cœur. Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Merci de m'encourager. Je peux enfin vous le révéler après toutes ces années, si je suis devenu chroniqueur dans cette émission et je n'en suis pas fier. Ce n'est pas grâce à mon physique avantageux. Merci de rire. Ce n'est pas grâce à mes jeux de mots flamboyants. Ce n'est pas grâce à mon intelligence foudroyante. Ce n'est pas non plus grâce à ma chevelure foisonnante. Non, si j'ai pu intégrer la troupe des Enfants de Cœur, c'est parce que j'ai été pistonné. Oui, je sais, je vous l'avoue enfin ce matin, si je suis dans cette émission le dimanche, c'est parce que je suis le fils caché de Monseigneur Léonard. Oui, Monseigneur est mon père. Et ma mère, c'est une mère, puisque ma mère, c'est Mère Teresa. Mon père a rencontré ma mère en faisant ses courses au supermarché. Oui, peu de gens le savent, Jean-Jacques, mais il va souvent au Carrefour, Léonard. C'est ainsi que mon père a procréé avec ma mère et avec sa père. Et que je suis né dans le canapé du salon un 25 décembre. Et oui, elle m'a eu à Noël, ma mère. Cette naissance dans le canapé valut d'ailleurs cette réflexion à mon père. Il est né dans le divan, enfin. Tout ça pour vous dire que quand j'ai entendu parler du récent scandale du Burkini, mon sang de catholique pratiquant n'a fait qu'un seul tour. Je me suis dit qu'il ne fallait pas se laisser faire face à cette invasion de textiles islamiques. C'est ainsi que j'ai eu la bonne idée de lancer une contre-attaque en créant le Burkini. Le Burkini ou la robe de bure de plage pour moines nageurs. Fort de cette idée brillante, j'ai décidé de la tester moi-même dans l'étang proche de chez moi. C'est un charmant étang qui est très bien entretenu et qui est rempli de carpes asiatiques. Je ne sais pas si vous connaissez les carpes koi. Des coïs, voilà. Et je peux vous le dire avec le recul, ça n'était pas une très bonne idée. Déjà, quand je suis arrivé au bord de l'étang avec ma burkini, avec ma mitre bonnet de bain sur la tête et la grande tige en fer de mon parasol à la main, les gosses du quartier se sont jetés sur moi en criant « Oh, Saint-Nicolas !» Si j'avais su, j'aurais demandé à Cody de venir avec moi, je serais passé plus inaperçu. Ben oui. Alors qu'ils me réclamaient tous des bonbons en me jurant qu'ils avaient tous été très sages, j'ai bien vu le regard suspicieux de leurs parents qui se demandaient ce que Saint-Nicolas pouvait bien foutre au bord d'un étang en plein mois d'août. J'ai fait semblant de rien, je me suis avancé dans l'eau, suivi par les enfants qui espéraient tous avoir des bonbons. Mal m'en a pris. Je n'y ai pas pensé, mais en fait, une bure trempée, ça pèse lourd. Plus j'avançais dans l'eau, plus je m'enfonçais dans la vase. C'est à ce moment-là que mes deux boules en sang ont remonté à la surface. Là, je vous avoue que j'ai commencé quand même à m'inquiéter quand l'un des parents a demandé si tout allait bien et que son fils a crié « Oui, ça va, Saint-Nicolas, les boules qui flottent !» Et comme si ça ne suffisait pas, un autre enfant s'est senti obligé d'ajouter « Et en plus, elle fume !» Alors que je pensais être au bout de mes ennuis, les choses se sont empirées. Je n'avais en effet pas pensé à fouiller les poches de ma bure avant de l'enfiler. Sinon, je me serais sans doute rendu compte qu'elles étaient remplies d'hosties. Une chose est sûre, les carpes asiatiques de l'étang, elles s'en sont rendues compte. Elles se sont glissées sous ma bure et elles ont commencé à dévorer les hosties. Évidemment, ça m'a démangé et j'ai commencé à me gratter en expliquant aux enfants que les carpes koi mangeaient mes hosties. C'est à ce moment-là que leurs parents se sont approchés des temps pour demander ce qui se passait. Et là, j'ai tout de suite compris que j'allais avoir des gros problèmes quand les enfants leur ont répondu « Oui, ça va, Saint-Nicolas se gratte les koi !» Vous voulez que je vous dise? Est-ce que tu penses que Muriel Mayette va l'appeler? Certainement. Vous voulez que je vous dise, Jean-Jacques? Burkini ou Burkini, la seule chose qu'on devrait finalement interdire, c'est les abrutis de mon espèce. Christophe Bourdon. Et juste après la pause, nous retrouverons ce personnage incongru et étonnant, mais que vous adorez, Jean-Michel de Benneuse. Et à tout de suite, chers amis. Pour écrire aux Enfants de Cœur, notre adresse, c'est lesenfantsdecoeur@rtbf.be. Et si vous preniez la vie du bon côté? Comment nos enfants d'aujourd'hui choisissent-ils leurs études, leurs métiers? En effet, autrefois, la question du choix d'un métier ne se posait pas. Le fils se devait de suivre les traces du père. Oui, mais aujourd'hui, comment se sentent et vivent les enfants qui se démarquent et affirment leurs différences et leurs choix? Venez communiquer à ce sujet ce lundi. Dès 13h, prenez la vie du bon côté sur Vivacité avec Sylvie Honoré. Et retrouvez-nous aussi en images et en direct sur rtbf.be/ovio. Renouvelle ton abonnement tech via un self ou l'eShop et gagne une rencontre exclusive avec Christophe Maé et plein d'autres cadeaux. Je te prépare un moment incroyable. Alors, il est où? Il est où le bonheur? Toutes les infos sur infotech.be. L'eShop existe aussi en version mobile. Simplicité sur toute la ligne. Retrouvez votre météo au 0900 277 70. 50 cents l'appel. Quand il fait beau, le temps, je le fais rentrer par mes magnifiques châssis Bellisol. Et quand il fait vraiment beau, il peut même entrer par ma sublime porte Bellisol. Bellisol. Là, je cours pour ma forme. Un chouette programme organisé par ma commune pour tous ceux qui, comme moi, n'ont jamais couru. On se réunit chaque semaine avec un animateur. Après 3 mois, on est capable de courir 5 km et même plus. Renseignez-vous vite auprès de votre commune ou sur le site jecourspourmaforme.com. Une initiative du magazine Zatopec avec le soutien de Vivacité. Coa Coa, Coa se la grenouille. L'été bientôt là, elle remontre sa bouille. Pédale Lucien au milieu des boas. Comme tu te sens bien, Coa Coa. Visqueuse grenouille. Lucien glisse et son vélo crie ouille. Tu t'es fait battre, Lucien, par un batracien. Voilà pourquoi les AP Assurances vous proposent l'assistance vélo. Une assistance 24 heures sur 24 pour toute la famille à 60 euros par an. Plus d'infos sur lap.be. Les AP Assurances, toujours à vos côtés. Ceci est un produit d'assurance d'AGA International SA Belgian Branch. On m'avait dit, toi tu auras tout, gloire, fortune et amour. Enfin, revenons sur Terre. Maintenant, je veux maîtriser un métier et être capable de gérer mon entreprise. Jusque fin octobre, inscrivez-vous dans une des 70 formations proposées par l'EFP. EFP, formateur de talent. Avec le soutien du service public francophone bruxellois et du Fonds social européen. Info efp-bxl.be. Viva Bruxelles présente les croisières guidées de Brussels by Water. Jusqu'au 31 octobre, venez découvrir nos voies d'eau de la manière qui vous plaît. Courte croisière jusqu'à Anvers ou croisière apéro en soirée, il y en a pour tous les goûts. Et pourquoi ne pas vous déplacer en bateau avec le Waterbus? Info brusselsbywater.be. La 2 en télé. Chaque minute, de chaque heure, de chaque jour, naît un enfant. Prêt ? Au cœur d'une maternité anglaise, soyez le témoin privilégié des grands commencements. Mais surtout, des petits moments de bonheur qui vous touchent à tout jamais. Une naissance à la minute, tous les mardis soirs, sur la 2. Vous nous venez de quelle commune ? Ternich, c'est à côté de Darlon, en fait. Juste à côté. Comment ça s'appelle ? Ternich. D'accord. C'est Cesslich, Ternich, bon, c'est un peu... C'est quand même très compliqué riche, par ici. C'est près de Grottich, je crois. Jusqu'à 10h30, les enfants de cœur sont sur Vivacité. Dominique Watra, vous vous débrouillez avec le public. Hein. C'est votre problème. Au Petit Théâtre, ici à Aide, est-ce que ça va toujours bien ? Un spectacle que je vous conseille, quand il passera dans votre région, ce qui devrait être le cas, c'est le nouveau seul en scène de Elio Génico sur les textes de Raymond Devos. Oui. Le spectacle a pour titre « Les fous ne sont plus ce qu'ils étaient ». Tout à fait. C'était un challenge incroyable que de reprendre les textes de Raymond Devos, de se les approprier quand même. Oui, mais c'est une histoire un peu particulière parce qu'au départ, je n'avais pas du tout l'intention de monter un spectacle sur des textes de Raymond Devos. C'est qu'à la Comédie Française, parfois, on se retrouve dans une situation où on doit travailler sur un auteur, faire une lecture. Et donc moi je n'avais pas du tout d'idée, hein, j'avoue. Et puis on m'a dit, mais tiens, tu ferais bien quelque chose sur Raymond Devos. Je dis, Raymond Devos, on peut, parce que je me disais, bon, Molière, Shakespeare, etc. Et j'ai fait, au départ, ça devait être un travail de lecture, et à force de travailler sur cette lecture, c'est devenu un spectacle. Donc quand le public est venu pour une lecture, ils ont eu un spectacle qui a vraiment absolument bien fonctionné, et qu'ensuite l'administrateur, parce que c'est plus Muriel Mayette maintenant, c'est Thierry Cruff, qui est administrateur depuis 2 ans, a trouvé ce spectacle très bien, il m'a demandé de le jouer, j'ai joué à la Comédie Française et je suis venu dernièrement, le 1er mai, le jouer à Rochefort, et c'est une aventure assez incroyable. Mais il faut dire aussi que j'ai pas fait un travail d'humoriste. Oui. Au départ, j'aurais jamais eu moi, la légitimité. Quand vous ne trouvez pas vos mots, vous demandez. Hein. Oui, oui, c'est vrai. Et je suis à la Comédie Française, donc c'est très difficile pour moi. Je dois trouver des mots simples. Ah oui, bravo. Comme c'était travailler sur un auteur, j'ai fait un travail de comédien sur les textes d'un auteur. Et puis voilà, c'était beaucoup plus facile à digérer et à vivre surtout. Mm-hmm. Mais voilà, malgré tout, le Elliot d'avant est venu prendre un peu de pouvoir sur le Elliot d'aujourd'hui. Et ça a fait « Les fous ne sont plus ce qu'ils étaient mm-hmm. ». J'ai choisi des textes surtout qui me touchaient, qui me racontaient un peu. Et c'est ça qui était important, pas essayer de dire « Tiens, je vais prendre des textes que tout le monde connaît. Mm-hmm. J'ai pas fait Patrick Bruel qui reprend Barbara, quoi. » Allez, pour couper court, les amis, nous avons, nous, dans l'équipe des Enfants de Cœur, le Raymond Devos

Vous l'attrapez, vous lui lancez un sèche-cheveux, je m'en occupe. Quoi? Mais non! Non! Ah merde, je crois qu'on a fait une connerie. Ah ouais, je sais, on l'a pas attrapé, il s'est échappé. C'est pas grave, pica-clo-clo, ça s'en va et ça revient. Quelques heures plus tard. Oui, ma chérie. Oui, je suis à l'hôpital. Je vais pas dire à cause de cette bande d'abrutis qui chasse le Pokémon. Je te jure, c'est vraiment des imbéciles. Et oh, imbécile toi-même. Mais qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? Chut, il y a un Pokémon qui est caché ici. Ouais, il s'appelle Pikamagi de Bloc. C'est un Pokémon gros. C'est le plus méchant de tous. Il veut foutre au boulot tous les Pokémon malades. Et Pikamagi est là, sur son lit. Super. Allez, à trois, on saute tous dessus. Un, deux, encore. Mais non, non. Et trois. Jude est super, on l'a attrapé. Enfin, Jude, elle prend de la place dans le téléphone, hein. Quelques jours plus tard. Mais bien, chers frères, prions. Prions en mémoire de notre ami Elliot, enlevé trop tôt à l'affection des siens. Je vous demanderai d'observer un moment de silence et de recueillement. Hé, hey, regardez! Il y a un Pokémon! Là, il est en train de sautiller. Ouais, je le reconnais. C'est Pika-Brochette. Venez, on va l'attraper. Excusez-moi, pourquoi vous vous approchez du cercueil en rampant? Non, monsieur, on ne saute pas sur le cercueil. On ne saute pas sur le cercueil. On ne... Eh bien, en tout cas, je n'ai jamais vu des gens aussi bas. Mais ça, c'est normal, hein. On est bas, on est rare, on est qui? Les Barakis. Bravo, merci à toute l'équipe. Le texte de Christophe Bourdon. Autre chose que la comédie française, hein, ça, monsieur Elliot. Waouh, des mots très compliqués. Molière, les Pokémon. Elliot, merci mille fois d'être venu. Mais merci à vous. Enfin dans les enfants de cœur. Tant mieux, tant mieux. Merci. Vous repartez donc à la Comédie Française pour répéter quoi? Quelle est la première pièce? Je répète la reprise de Roméo et Juliette, mm-hmm. dans laquelle je joue Paris. Juliette. Oh non, j'aurais tellement aimé. Et Paris, qui est un peu le rival de Roméo et qui se fait tuer par Roméo à la fin, donc pas de chance pour quand moi. Quand on arrive à la Juliette. Comédie Française, c'est quand même fin. L'école de l'humilité. Hein. On peut avoir des tout petits rôles. Hein. Ah ben, c'est qu'on a des petits rôles. Beaucoup de petits rôles, ouais. Au début, et après, petit à petit, on vous donne un peu plus de place. Mais c'est ça qui est bien dans cette maison, c'est qu'on peut passer d'un petit rôle à un second rôle, un rôle un peu plus important. Voilà, on n'a pas le temps de prendre la grosse tête, en tout cas. Vous avez passé un bon moment, cher public. Merci à Elliot. Merci à tous. À toute l'équipe des Enfants de Cœur. Merci. Il y avait Cody. Merci à tous, bon dimanche. Christophe Bourdon. Bon dimanche à tous. Jam Dino. Bon dimanche, Dominique Poitras. Excellent dimanche. Et aux commandes de cette rentrée, Jean-Jacques Poulain. Merci, chers amis, ici à Aide au Petit Théâtre. Dimanche prochain, entre 9h et 10h30, nous recevrons quelqu'un d'ici formidable talent. Et je sais qu'on va s'amuser avec lui. Il s'appelle David Bartholomé et vous le connaissez. Dans quelques instants, sur Vivacité, ces années-là, bonne journée. À très bientôt. Feuille morte, tout l'hiver tu es resté, gorgé d'eau sur ce sentier. Et quand le printemps revient, promeneur sur le chemin, feuille morte. Tu te tiens en embuscade pour faire glisser en cascade Jules et son vélocipède. Oh, je crois qu'il a besoin d'aide. Voilà pourquoi les AP Assurances vous proposent l'assistance vélo. Une assistance 24 heures sur 24 pour toute la famille à 60.